L'heure mauvaise, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org, par Maxime. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'heure mauvaise. Depuis ces temps troublés d'adieu et de retour, et de soudaine lassitude, d'être celui qui va cerné de solitude, mes jours toujours plus lourds s'en vont roulant leur cours. J'avais foi dans ma tête, elle était ma hantise, et mon entêtement, haine et splendeur, vermeil, où s'allumait l'intérieur soleil, dardait contre le bloc de roc de la bêtise. De vivre ainsi hautement, j'avais, muette joie à me sentir et seul et triste, ne croyant plus qu'à ma perdurance d'artiste et à l'œuvre que je rêvais. Celle qui se levait tranquille et douce et bonne, et s'en allait par de simples chemins vers les foyers humains où l'on pardonne. Ah, comme il fut plombant de ce soir d'opacité, quand mon âme minait infiniment de doutes, en tout à coup d'arbre à terre barra mes routes, et lézarda, craquement noir, ma volonté. À tout jamais morte, mes fermetés brandies, mes poings flasques, mes yeux fanés, mes orgueils serres, mon sang coulait péniblement jusqu'à mes nerfs, et comme des suçoirs gluaient mes maladies. Et maintenant que je m'en vais vers le hasard, dites, le vœu qu'en un lointain de sépulture, comme un marbre brûlé de gloire et de torture, rouge éternellement se crispera mon art. Fin de l'heure mauvaise.